起，不起，不卡不离，不离不离当鞋，我知道你一直在飞，飞也是我，我不离不离。Vois faire le tour du monde, main dans la main. Chez pour nous, ben ça rien, ouais. Yeah, yeah, yeah. Chez pour nous, ben pas les, ben pas les, yeah, oh. Je n'ai même pas pu te dire au revoir. Mais où aller, où aller? J'ai mon diamant d'un oiseau. Choses ont-ils